On va parler avec notre ami Jérémy Fortin des Saguenay-Lac-Chicoutimi. Jérémy Fortin, sa saison est terminée. Question de savoir un peu comment lui il a senti sa saison. Qu'est-ce qui l'attend l'année prochaine? Parce qu'il y aura des grandes décisions. On lui parle. Salut Jérémy. Allô? Jérémy, comment t'as vécu ta saison avec les Saguenay-Lac-Chicoutimi? Premièrement, ça a vraiment été une belle expérience encore une fois cette année. On avait une belle gang de gars, des jeunes plus que talentueux, Kendrick Lapierre, Théo Rochette. C'était une saison un peu en transition. Malgré qu'on a décollé quand même assez fort, on a eu un petit creux durant le temps de novembre. Ensuite, c'est vraiment bien déroulé jusqu'à la fin de la saison où est-ce qu'on a perdu la première ronde contre Rimouski, mais ça aurait pu être une série qui aurait T'aurais pu pu aller aller d'un bord comme d'un de bord comme de l'autre, hein, Jérémy. T'es l'autre. d'accord avec moi, là? Hein, Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que le match numéro 2 à Rimouski, tu vas me dire que c'était pour les deux équipes, c'était la même affaire, mais ça a fait mal, pareil? Ah oh, oui, vraiment, là. Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est un match qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Les deux équipes, à un moment donné, c'est la fatigue en barre, puis faut se parler, on a tout mal, on a toutes des petites blessures, fait que si on a eu plusieurs occasions de marquer en troisième période de prolongation, je crois, puis on n'a pas été opportuniste, malheureusement, mais c'est eux qui ont eu le dessus dans la quatrième période de prolongation. Mais comme on a dit, rendu là, c'est quasiment une question de chance, je pense, lequel qui va marquer le but gagnant. Les pénalités qui ont fait mal aussi, peut-être. Ouais, on savait au début de la série que Rimouski, c'était une équipe qui avait terminé dans le haut du classement en ce qui concerne l'avantage numérique. Puis c'était dans le plan de match de ne pas pogner de punitions inutiles ou stupides. Je pense que c'est un peu ça qui nous a coulé aussi puis qui nous a coûté la série parce que on a pris le double de nos punitions qu'on prenait normalement dans la saison régulière. OK. Effectivement, puis c'est ça qui a coûté évidemment la série. C'est sûr que vous auriez pu revenir à Chicoutimi si vous... Ah ouais. Ouais. Ah, et puis en plus, je pense qu'on y croyait tout. C'était 3-0 pour l'autre équipe, puis on y croyait encore, puis on était tous serrés, puis on était tous ensemble dans le même bateau, tout le monde dans la même direction, mais malheureusement, c'est terminé en 4. Non, effectivement. Il y a quand même un bon noyau chez les Saguenay, c'est très encourageant, hein? Ah ouais, honnêtement, vraiment. Puis non seulement c'est un bon noyau, mais c'est tous des bons gars, c'est tous des bonnes personnes. Si vous voyez les sur la glace, mais dans la chambre aussi, c'est vraiment des bons individus. Puis c'est vraiment comme un bon noyau, comme tu dis. Ton statut, ça va ressembler à quoi l'an prochain avec les Sags? On sait que tu vas avoir quoi, 20 ans l'an prochain? Ouais, dans le fond, chaque équipe a le droit à 3-20 ans. Malheureusement, je reviendrai pas avec les Sags, Ah, ça. mais Tu reviens pas avec les Sags, hein, ouais. confirmé? Ouais, puis mais dans le fond, les Saguenay, je pense qu'ils visent ben, c'est ce qu'il y en a qui disaient, c'est qu'ils allaient viser où l'an prochain. Ils voulaient aller vraiment loin. Puis moi, j'étais pas dans les plans malheureusement, mais ils me laissaient savoir qu'ils allaient essayer de me trouver une nouvelle équipe d'ici la fin. Mais jusqu'au repêchage, dans le fond. Fait que je sais pas encore, ça va être où ma prochaine destination, OK. malheureusement. Es-tu déçu de ça? Oui puis non, parce que j'ai joué pour l'équipe de ma région, fait que c'est un petit rêve d'enfant qui s'est réalisé, puis c'est des belles années, des beaux souvenirs, mais en même temps, je suis content d'avoir une nouvelle petite aventure, une nouvelle équipe, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi ma prochaine destination, comme j'ai dit. Fait que, OK. ouais, je suis dessus, mais en même temps, je suis content avoir la chance peut-être de jouer à 20 ans aussi dans la Ligue, fait que Ouais, c'est oui ça. puis non, ouais. C'est sûr que c'est ça l'affaire, hein. On va peut-être essayer Ouais. d'avoir un choix. Mais moi, honnêtement, je suis surpris de ça. Je m'attendais que t'allais quitter, mais au fait. Ouais. J'ai quand même connu une belle saison, je pense. En général, j'ai pas de puis j'ai joué dans mon rôle. Zanik m'a fait confiance. Puis quand j'ai donné des bonnes minutes là, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. OK. C'est un petit peu décevant pour la suite des choses. Ta carrière, comment tu vises ça? Après ça, est-ce que tu vises la Ligue nord-américaine? Tu vises la Ligue universitaire? C'est sûr qu'on peut pas parler de l'Europe et tout ça, mais est-ce qu'une carrière universitaire, dans le cas de Jérémy Fortin, ça peut t'intéresser, ça? Ouais, honnêtement, ouais. Moi, l'école, c'est mes parents, puis toute ma famille, dans le fond, ça a toujours été important l'école, puis moi, j'ai toujours trouvé ça important également, donc, ouais, après le junior, j'aimerais vraiment ça jouer universitaire, je sais pas de quelle université encore, mais, ouais, j'y ai pensé, puis même si l'année prochaine, elle joue pas au junior, on sait, adviendra que pour on sait pas qu'est-ce qui va arriver, ben, tu moi, j'ai terminé mon cégep, fait que je suis pas vraiment mal pris, là, je vais pouvoir aller jouer universitaire, ou Fait que oui, ouais, c'est une bonne option. Là. OK, OK. C'est que tu fais cet été? Je vais rester m'entraîner à Scutini. Okay. Je vais arrêter. Puis, bon, c'est ça. Je vais avoir 3-4 glaces par semaine avec des entraînements en gymnase, beaucoup de la course, de masse. OK, OK. Ça ressemble à ça, ouais. OK. Ben, Jérémy, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va suivre le dossier de près avec les Saguenay pour au plaisir de se parler. Ouais, super, merci. Jérémy Fortin de Dolbeau-Mistassini.